tout le monde va bien, votre semaine s'est bien passée à tous. Super, très bien. Super. Et toi, ta semaine s'est bien passée, t'as un peu la gueule de travers, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, merci Léa, merci. Cette semaine, j'ai dû aller chez le dentiste, hein, sale affaire. Ah, hein, ouais. C'est ça. J'ai vraiment les dents pourries, hein. Je vois trop mon dentiste. Hein. Ah bah maintenant, quand on se voit, on se dit tu, on se fait la bise. Hein. Quand il a vu mes dents pour la première fois, il a fait oh là là, oh yo yo yo yo, oh là là là là là là. Imagine sa réaction s'il devait soigner les dents de Didier Deschamps. Hein. Tout le monde a peur hein, d'aller chez le dentiste. Hein. Et puis il y a un truc bizarre chez les dentistes, c'est que lorsque tu rentres dans le cabinet et que tu vois des ustensiles, ils sont tout petits en fait. Alors explique-moi pourquoi, une fois que tu les as dans la bouche, ça fait 20 fois la taille. En fait c'est bidon, c'est du décor, hein. C'est pour te dire que les dentistes sont devenus super modernes. Mais que dalle, une fois que t'es installé, ils cachent tout ça et c'est chignol et perceuse à l'ancienne. Josiane, amène-moi deux mèches. Ouais, une pour béton et une autre pour acier. Merci. Oh. Le mec travaille pas sur une carie, non, le mec travaille sur un chantier naval. C'est vrai, hein, t'as l'impression d'avoir un fer à souder dans la bouche. D'ailleurs, ça fume, hein. Ça fume, hein. Il me semble avoir vu des étincelles une fois. Ah bah, faut pas boire un shot de vodka avant, hein, histoire de te donner du courage. Ah bah, tu prends feu direct, hein. Françoise va bien. Ah non, Françoise a brûlé vif chez son dentiste. Ah merde. Et quand c'est comme ça, c'est remboursé par la sécu? Oh, oh, oh, oh. Ah, ouais, et tous les dentistes disent et tous les dentistes vous disent si vous avez mal, vous levez le bras, on est d'accord, hein. On est d'accord, hein. Quand il lève le bras, il s'en fout complètement. Ah, on est oui, bien d'accord. Comme un peu ici vous avec moi à la radio, hein. Exactement. Non, mais tu fais un sketch là. Ouais. De toute façon, le mien c'est un syndic, hein. Quand j'ai bien morflé, bien gémi de douleur, il fait c'est bon, c'est fini, mais pas pour aujourd'hui. Oh. Il reste encore 3 dents à soigner. Et la déco des salles d'attente est toujours m'as-tu vu chez les dentistes, hein, ou autres médecins spécialisés, hein, ceux qui gagnent bien du pognon, quoi. Leur déco, c'est que des destinations de trêve. Tu rentres dans leur salle d'attente, t'as l'impression qu'ils te montrent où ils sont partis en vacances. Parfois, tu te demandes même si t'es pas chez Last Minute. Dans la salle d'attente de mon dentiste, t'as quand même des amulettes égyptiennes, un masque africain à 3000 euros. En gros, le message, c'est « Regarde les vacances que je me paye avec tes dents pourries !» Et encore, j'ai moins les dents pourries qu'avant parce que j'ai eu des appareils dentaires. Et là aussi, une belle connerie. Hein. Le mec te met des fils de fer de partout. Hein. Dans la bouche, vers le palais, derrière les dents, sur la gencive. Et puis ça te met en confiance pour l'avenir, hein, avec toutes les blagues à la con du genre « Hey, t'as sucé Robocop ?» J'ai même eu un casque avec élastique. Vous connaissez le casque avec élastique? Ouais. Ah, tu l'as eu aussi? Mais tu l'as toujours, ouais. Hein. C'est un casque, c'est un appareil que tu portes la nuit avec un casque sur la tête. Mais non. Et tu accroches des élastiques. Sauf que quand l'élastique te pète vers l'oreille, ça te perce un tympan. C'est pour ça que maintenant, j'entends pas quand vous dites pantoufle. Ah, voilà, bravo. Alors, je voudrais préciser qu'on a perdu un auditeur, mon papa, qui est dentiste. Ah. Et qui a un masque africain. Ah, c'est pour ça